Bonjour à tous et bienvenue à French Pod. Salut Christella. Salut Amaury, comment ça va? Très bien, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, puisque nous avons une nouvelle leçon avancée. Qui va parler de l'invention du 7e art. Voilà, aujourd'hui nous nous intéressons à l'origine du cinéma. Donc, je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais en tout cas pour moi, le cinéma est quelque chose que j'adore. Moi de même, c'est vraiment une forme d'art que j'apprécie beaucoup. Chaque fois que je dois me rendre, chaque fois que je vais au cinéma, je suis vraiment toujours très heureux. Comme je peux être très malheureux et très triste quand je sors du cinéma et que j'ai vu un mauvais film. Oui, moi aussi. Je suis vraiment pas content. Moi de même, à chaque fois que je me rends au cinéma, je suis vraiment très contente. En général, c'est pour aller voir un film dont j'ai déjà entendu parler à l'avance. Donc, tu te renseignes ou bien tu as tes petites informations avant d'y aller? J'aime bien me renseigner sur un film ou sur l'intrigue d'un film avant de me rendre au cinéma. Ouais. Et pour tous ceux qui habitent à Paris ou qui vont se rendre à Paris, en général, j'achète dans les marchands de journaux l'officiel des spectacles. On peut aussi se procurer le Pariscope. Et ça, ce sont des hebdomadaires qui sont consacrés vraiment à toute l'activité artistique et culturelle sur Paris. Et évidemment, ils parlent des films sortis, des films qui sont à l'affiche. Ces petits livrets sont disponibles chez le marchand de journaux. Ils coûtent vraiment pas cher, 30 centimes, 40 centimes d'euros. Et tous les films qui sont à l'affiche sont décrits, répertoriés par catégorie. Et aussi, il est indiqué dans quelle salle on peut aller les voir, dans quel arrondissement de Paris. Donc c'est vraiment très pratique. J'utilise l'officiel des spectacles pour savoir quel film je vais aller voir et s'il y a des chances que je sois déçu ou non. Pour tous les amoureux de cinéma en France aussi, il y a deux grandes revues, sont des mensuels. Il y a le magazine Studio et le magazine Première, deux mensuels consacrés totalement au cinéma où ils donnent des critiques concernant les films, les nouvelles sorties, les acteurs, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Mais ici nous allons nous intéresser à l'origine du cinéma. Donc les tout débuts. Voilà, sa création. Eh ben, si on commençait, parce qu'on est tellement à fond dans le sujet, Amaury, on n'a même pas écouté le dialogue encore. C'est vrai qu'on ferait peut-être bien de passer au dialogue maintenant. On l'écoute? C'est parti. Il n'y a pas de mal à être un peu chauvin. Mais de là à dire que le cinéma est une invention française... Attends, tu vas réfuter le fait que les frères Lumière furent à l'origine du 7e art peut-être? Écoute, tu es d'accord avec moi pour dire que le cinéma naquit au cours de la seconde moitié du 19e siècle avec le développement de la photographie. Je peux difficilement dire le contraire. Eh bien, je veux juste te signaler que de nombreuses personnes s'intéressèrent avant les frères Lumière à cette évolution, notamment le fameux Thomas Edison aux États-Unis, et qu'en outre, ces personnes avaient déjà innové dans le domaine de l'image animée. Ok, je ne contredis pas tes propos, mais quand même... Ce sont les frères Lumière qui furent les concepteurs du cinématographe en 1895. Cette année fut cruciale dans l'histoire du cinéma et correspond à mon avis à l'avènement du 7e art. Tu crois? Sans aucun doute. Le 13 février, ils déposèrent le brevet pour leur nouvel appareil, le cinématographe. Le 19 mars, ils tournèrent leur premier film et le 28 décembre, ils réalisèrent la première projection publique et payante. En tout cas, depuis sa création, le cinéma a connu un développement fulgurant. Aujourd'hui, les petites sociétés de cinéma créées au début du XXe siècle sont devenues de grandes sociétés de production et de distribution qui ont donné jour à des films et ont eu un succès retentissant dans le monde entier. On est au moins d'accord là-dessus. Cela fait maintenant plus de 100 ans que le cinéma fait rêver petits et grands. Nous avons donc assisté à un petit contentieux entre nos deux personnages. Et le premier personnage pense qu'il n'y a rien de mal à être chauvin. Alors ça c'est un truc bien français, hein. Le chauvinisme. Bon, moi étant à moitié belge en plus, je peux caractériser les Français. Mais même ils ont cette réputation un peu, les Français sont un peu chauvins. C'est incroyable, dès qu'il y a quelque chose de bien qui est sorti, ils ont l'impression que c'est français. Certains vraiment quand tu les entends parler, quand c'est bien, c'est toujours français. Ah bien sûr, alors tout. Hein. Alors le cinéma, la mode, la gastronomie. Voilà par exemple la gastronomie. En dehors de la gastronomie française, il n'y a rien d'autre. La nourriture africaine, indienne. Asiatique. Non le mieux, c'est tout ce qui est français. Ou à la limite, non, c'est pas mal, mais non, enfin, c'est quand même mieux quand c'est français. Quand même, hein. Ouais. Donc alors, chauvin, ça veut dire patriotique, très fier de son pays, très fier de tout ce qui vient de son pays. Ça peut être la culture, ça peut être l'histoire, ça peut être les personnages politiques. C'est ça, comme ici. Donc il défend le fait que le cinéma est une invention française, alors que ce n'est pas exactement le cas. Donc chacun a ses arguments et le jeune homme accuse la jeune femme de vouloir réfuter le fait que les frères Lumière sont à l'origine du 7e art. Réfuter, donc c'est un verbe qui veut dire démontrer que quelque chose est faux, dire que quelque chose est faux, affirmer que quelque chose est faux. Et là ensuite, pour la première fois dans la conversation, on voit apparaître le terme « septième art ». C'est une autre façon de qualifier le cinéma. Il y a aussi d'ailleurs d'autres manières de dire « cinéma » en français. Alors, en langage familier, on aime bien dire « ciné ». Je suis allé au ciné cet après-midi. Ou encore, dans un langage encore un peu plus familier, on peut dire « aller au cinoche ». On se fait un cinoche, Amélie ? Pourquoi pas, Christelle ? Ce week-end, ok. Mais par contre, on n'ira jamais « on va au 7e art ce week-end ». Le mot 7e art est plutôt utilisé dans des contextes soutenus, notamment des articles de journaux, ou des revues spécialisées, ou à la télévision, dans des documentaires. Alors un peu plus loin, nos deux personnages sont d'accord pour la toute première fois dans le dialogue, pour dire que le cinéma naquit au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Oui, puisqu'un des deux dit « je peux difficilement dire le contraire », qui est une autre manière de dire « je ne peux pas dire le contraire ». Donc, comme tu viens de le préciser, je suis d'accord. Voilà. Et on a aussi quelque chose de très intéressant ici, c'est le verbe « naquit ». Tout à fait. On retrouve notre cher ami le passé simple. Ouais. Et ici, c'est le passé simple du verbe « naître ». À la troisième personne du singulier, « il naquit ». Donc, le cinéma, le septième art, naquit. Donc, « il est né, il a vu le jour, il naquit ». À la fin du 19e siècle. Voilà aussi pourquoi on l'utilise ici, puisque c'est un temps vraiment révolu, c'est dans le passé. Voilà, alors on a un très beau dialogue aujourd'hui avec non seulement du passé simple, mais aussi d'autres formules soutenues, comme « en outre ». Oui, pour dire que, à part les frères Lumière, là, qui ont apporté une énorme contribution à la création du cinéma, Thomas Edison et d'autres personnes avaient en outre déjà innové dans le domaine de l'image animée. En outre, qui est de plus par ailleurs. Thomas Edison et d'autres avaient par ailleurs déjà innové dans le domaine de l'image animée. Donc ça c'est vrai, il ne peut pas contredire les propos de cette jeune fille. Il ne peut pas contredire ce qu'elle dit, ses propos, ses dires, ses paroles. Mais le garçon veut quand même insister sur le fait que les frères Lumière ont été les concepteurs du cinématographe en 1895. D'ailleurs, le mot cinéma vient du mot cinématographe. Tout à fait. Cet appareil qui est encore utilisé de nos jours pour les projections cinématographiques. Même si le cinématographe a largement évolué. Et donc 1895 est une année cruciale puisque c'est cette année-là que le brevet a été déposé par les frères Lumière pour le fameux cinématographe. Ils ont réalisé leur premier film et c'était la première projection également. Donc, ils la décrivent ici dans le texte comme l'avènement du cinéma. L'avènement du 7e art. Voilà, un très beau mot, le mot avènement, je trouve, qui veut dire en fait l'arrivée, la venue, un peu la naissance. Voilà, la naissance officielle, tant attendue, l'avènement. Et alors quand on parle de tous les événements qui ont eu donc cette année-là, dans le dialogue on retrouve à nouveau notre cher ami, le passé simple. Youpi ! Alors on a les verbes déposer, tourner, réaliser, un peu plus on avait s'intéresser, tous au passé simple, à troisième personne du pluriel, ils. Ils déposèrent, ils tournèrent, ils réalisèrent. Donc en fait, cette forme de passé simple est à chaque fois utilisée pour les verbes réguliers qui terminent en ER, comme manger, taper, se reposer. Si on les met au passé simple, à la troisième personne du pluriel, il ou elle, elles se reposèrent, elles mangèrent, ils tapèrent. Ouais, c'est un petit tuyau pour vous aider à maîtriser le passé simple. Voilà, la troisième personne du pluriel ici, avec les verbes réguliers en ER, c'est la forme qu'on retrouve dans le dialogue d'aujourd'hui. Voilà. Alors à la fin du dialogue, pour parler de l'évolution du cinéma, de l'évolution que le cinéma a connue au cours du XXe siècle, on parle d'un développement fulgurant. Car c'est vrai qu'il a connu un développement très rapide et intense. Ouais, vraiment très étonnant, vraiment très impressionnant. Et je vais te le dire, c'est que quand ils ont fait leur première projection, là, les Frères Lumière, il y a eu 33 personnes. Et durant les projections qui ont suivi, les salles étaient remplies en permanence. Et elles se sont développées, ils ont commencé à en construire un peu partout en Europe, en France. Ça s'est développé de manière très rapide. Et dans le monde entier. Et dans le monde entier même. Et justement, les petites sociétés de cinéma se sont développées, ont grandi, sont devenues de grandes sociétés de production, de distribution, et elles ont donné jour, elles ont produit, elles ont créé des films qui ont eu un succès retentissant dans le monde entier. Donc retentissant qui vient du verbe retentir, qui au départ veut dire faire du bruit, chose qui retentit. Ici, c'est un autre sens, c'est pas vraiment un sens bruyant, c'est le sens de remarquable. Un succès foudroyant. Triomphal. Voilà. Par exemple, pour décrire des films qui ont un succès retentissant, on peut penser au film Titanic ou La Guerre des Étoiles. Vu le nombre d'entrées qu'ils font. Voilà, ou Le Seigneur des Anneaux. Tout à fait. Autant on emporte le vent. Oui, un petit film français peut-être. Taxi, par exemple, le film français, ou Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Oui, et donc ce fameux cinéma qui fut créé à la fin du 19e siècle, depuis lors, fascine toutes les générations. Oui, petits et grands. Adultes et enfants. Voilà, Christella et moi. Bah justement, en parlant de quelque chose que les adultes et les enfants apprécient, on va réécouter le dialogue. C'est parti. Il n'y a pas de mal à être un peu chauvin. Mais de là à dire que le cinéma est une invention française... Attends, tu vas réfuter le fait que les frères Lumière furent à l'origine du 7e art peut-être? Écoute, tu es d'accord avec moi pour dire que le cinéma naquit au cours de la seconde moitié du 19e siècle avec le développement de la photographie. Je peux difficilement dire le contraire. Eh bien, je veux juste te signaler que de nombreuses personnes s'intéressèrent avant les frères Lumière à cette évolution, notamment le fameux Thomas Edison aux États-Unis. Et qu'en outre, ces personnes avaient déjà innové dans le domaine de l'image animée. Ok, je ne contredis pas tes propos, mais quand même. Ce sont les frères Lumière qui furent les concepteurs du cinématographe en 1895. Cette année fut cruciale dans l'histoire du cinéma, et correspond à mon avis à l'avènement du 7e art. Tu crois ? Sans aucun doute. Le 13 février, ils déposèrent le brevet pour leur nouvel appareil, le cinématographe. Le 19 mars, ils tournèrent leur premier film, et le 28 décembre, ils réalisèrent la première projection... publique et payante. En tout cas, depuis sa création, le cinéma a connu un développement fulgurant. Aujourd'hui, les petites sociétés de cinéma créées au début du XXe siècle sont devenues de grandes sociétés de production et de distribution qui ont donné jour à des films et ont eu un succès retentissant dans le monde entier. On est au moins d'accord là-dessus. Cela fait maintenant plus de 100 ans que le cinéma fait rêver petits et grands. Donc j'aimerais revenir sur la petite polémique qui était soulevée dans le dialogue. Est-ce que le cinéma est vraiment une invention française ? C'est vrai que certains Français considèrent que la naissance du cinéma correspond aux premières projections des frères Lumière et la création de leur cinématographe. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient déjà, mais dans le monde il y avait d'autres personnes, comme on a cité ici dans le dialogue Thomas Edison aux États-Unis, qui s'intéressaient déjà aux images animées et qui plus ou moins en même temps ont produit des machines avec lesquelles il était possible de faire des projections. Ce qui est vrai, c'est que celle des frères Lumière était la plus efficace et celle qui a été utilisée par la suite. Donc c'est un peu normal que certaines personnes revendiquent que ce sont les frères Lumière qui sont les créateurs, les inventeurs, mais il est vrai aussi que on peut attribuer cette invention à Thomas Edison. Ce sont plusieurs personnes qui ont conjugué leurs efforts à différents endroits au même moment en fait. Tout s'est passé vraiment à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. C'est là qu'ont eu lieu les premières projections, les premières sociétés sont nées. Oui, donc en 1895, l'année où la société Gaumont a été fondée. Toujours la même année. Voilà, 1896, la société Pathé a été fondée. Qui est une autre société française de distribution et de production de films. Et puis ensuite, il y a eu des sociétés américaines de distribution et de production de cinéma. Universal Studios qui a été fondée en 1909. Et puis est venue la Metro-Goldwyn-Mayer. Plus tard en 1915, et ensuite un peu plus tard, la Warner en 1923, à qui on doit le premier film parlant, qui sortit en 1927. D'accord, qui est arrivé un peu plus tard. On voit cette évolution du cinéma, donc, et après ensuite encore la couleur est arrivée. Et puis le résultat, vous le connaissez, c'est qu'aujourd'hui ce sont devenues de très grandes sociétés qui ont beaucoup d'influence dans le milieu du cinéma. Et justement, certaines personnes considèrent que le cinéma aujourd'hui est devenu une industrie. Et ils trouvent que le côté artistique du cinéma se perd de plus en plus. Alors quel est ton point de vue, Amaury ? Moi, je fais plutôt partie des gens qui ne considèrent pas le cinéma comme une industrie, mais plutôt comme une forme d'art. Je préfère quand le cinéma fait réfléchir, qu'il y ait une beauté, que ce soit une représentation artistique. C'est comme ça que je le perçois, plutôt que comme un divertissement pour les foules, un objet de consommation. Dont le seul but est de générer du profit. Voilà, du profit, de l'argent, qui aurait perdu un peu son âme. Moi, je trouve qu'il faut que le cinéma dise quelque chose. Mais bon, après, c'est mon opinion. Mais à mon avis, c'est vraiment une forme d'art, puisque c'est magnifique quand on a la chance d'assister à un très beau film. Ça touche les sentiments, je trouve, vraiment. Moi, de même, je considère vraiment le cinéma comme une forme d'art. Je trouve qu'il est essentiel d'avoir une intrigue intéressante, un point de vue intéressant ou de faire passer un message intéressant, d'avoir des acteurs qui savent vraiment jouer, vraiment jouer la comédie, parce que ça aussi, c'est un art, ça vient bien de l'art théâtral. Et aussi, de même, avoir un réalisateur qui utilise des effets de caméra et... vraiment, je trouve que ça se sent quand un film est uniquement produit pour générer des bénéfices et la qualité du film de même s'en ressent. Ouais. Une autre preuve pour moi que c'est un art, c'est que quand on va dans une salle de cinéma et qu'on assiste à la projection d'un film, c'est complètement différent de la vision d'un film chez soi, devant sa télé, que ce soit sur DVD ou même sur Internet, où on ne ressent pas les mêmes choses. Regarder un film au cinéma, faire l'effort d'y aller, se retrouver dans cette salle, comme je l'ai dit, c'est comme une représentation. Avec un écran immense. Oui, c'est complètement différent que simplement regarder chez soi. Devant son écran d'ordinateur, ouais. Un film piraté. En tout cas, on espère que vous aussi, vous avez votre propre opinion sur le sujet, qu'aujourd'hui, vous avez appris beaucoup de vocabulaire pour pouvoir donner votre opinion en français sur le sujet, ouais. Et notamment pour venir laisser des commentaires sur la page qui est créée pour cette leçon sur frenchpod.com. Voilà, sur ce, merci beaucoup et on vous dit à bientôt. Pour la prochaine leçon avancée. Au revoir. Salut.